Activité 12. Compréhension orale. Première écoute. Bonjour à tous. Vous écoutez Cinéma Passion, l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Aujourd'hui, et sans plus tarder, une interview exclusive de Michelle Sharp, l'actrice vedette du dernier film policier tant attendu de Robert Sellar, Au cœur de la nuit. Michelle Sharp répond aux questions de Marc Camus. Bonjour Michelle Sharp. Bonjour. Votre nouveau film vient de sortir et on remarque que vous restez fidèle au genre policier. Oui, en effet. Ce sont des films qui offrent aux actrices les plus grands rôles. Dans ce genre-là, les filles font vraiment leurs preuves. Pour le moment, je n'accepterai pas d'autres types de films. Je me sens dans mon élément, et ce depuis le début de ma carrière. Vous êtes une fille plutôt dynamique. Vous pourriez aisément vous orienter vers des films d'aventure. Tout à fait. Je pratique la gymnastique 4 fois par semaine, parfois plus si j'ai le temps. J'ai le physique, la force, la souplesse, mais pas la volonté. J'aime trop mes rôles de policier incorruptible. Je ne veux pas en sortir pour le moment. Il paraît que vous avez envie de jouer dans un film tel que Le Château du bout du monde. J'adorerais. Ce film était génial. J'ai trouvé qu'il était le plus original de tous ceux sortis l'an dernier. Chaque instant m'a plu et les personnages étaient surprenants. Le décor était superbe. J'ai aimé cette histoire intelligente qui mélangeait amour et enquête policière. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie ? Les conférences de presse et les aéroports. Je déteste que l'on fouille dans mon sac. Question de timidité. Vous n'utilisez pas votre célébrité pour éviter ce genre d'ennui ? Oh non, ce n'est pas l'endroit. À la douane, ils font leur travail. Ça ne marcherait pas de toute manière. Avec la chance que j'ai, ils diraient « Oh, Michelle Sharp, allez, on ouvre tout !» Quand je passe une frontière, je fais tout pour ne pas me faire remarquer. Michelle Sharp, merci de nous avoir consacré votre précieux temps. Je souhaite beaucoup de succès à votre nouveau film qui sort, je le rappelle, mercredi 25 janvier. Merci. Ça a été un plaisir. Au revoir. Deuxième écoute. Bonjour à tous. Vous écoutez Cinéma Passion, l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Aujourd'hui, et sans plus tarder, une interview exclusive de Michelle Sharp, l'actrice vedette du dernier film policier tant attendu de Robert Sellar, Au cœur de la nuit. Michelle Sharp répond aux questions de Marc Camus. Bonjour Michelle Sharp. Bonjour. Votre nouveau film vient de sortir et on remarque que vous restez fidèle au genre policier. Oui, en effet. Ce sont des films qui offrent aux actrices les plus grands rôles. Dans ce genre-là, les filles font vraiment leurs preuves. Pour le moment, je n'accepterai pas d'autres types de films. Je me sens dans mon élément, et ce depuis le début de ma carrière. Vous êtes une fille plutôt dynamique. Vous pourriez aisément vous orienter vers des films d'aventure. Tout à fait. Je pratique la gymnastique 4 fois par semaine, parfois plus si j'ai le temps. J'ai le physique, la force, la souplesse, mais pas la volonté. J'aime trop mes rôles de policier incorruptible. Je ne veux pas en sortir pour le moment. Il paraît que vous avez envie de jouer dans un film tel que Le Château du bout du monde. J'adorerais. Ce film était génial. J'ai trouvé qu'il était le plus original de tous ceux sortis l'an dernier.